Donc maintenant, on va passer aux questions. Jean-Pierre Vallat, Paris Diderot. Il me semble qu'il y a deux écueils que vous soulignez, qui en même temps me semblent majeurs, mais mal vus. La première chose, c'est croire à l'illusion qu'on peut faire des bons statuts. Je crois qu'il y a trois formes. Il y a la fusion, la commu et le réseau ou l'association. Mais nous avons, au moment où nous avons fait les presses, combattu, et je peux dire pied à pied et jour et nuit, la Routourou à l'époque, pas Mérindol, avec des relais qui s'appelaient Jean-Louis Messica, Isabelle Tiste Saint-Jean, etc. C'est-à-dire, et que c'était sur on veut trois élus au lieu d'un, on veut que toute décision qui sera prise par le presse soit passée avant et qu'on ait la preuve qu'il y a eu un vote des 8 établissements de notre presse, etc. C'est inscrit dans les statuts. Or, c'est une pure illusion. C'est-à-dire que le pouvoir est à l'IDEX, le pouvoir est à un bureau, le pouvoir est à 4 ou 5 personnes, et tout ce qu'on a cru vouloir faire de démocratique, c'est de la pure illusion. Quand on a parlé, quand Pascal a parlé tout à l'heure de la DGCIP, si la DGCIP veut revoir les statuts, c'est parce qu'il y a une ligne politique de Pécresse à Hamon, Hamon il ne connaît pas grand-chose, mais enfin, disons dans tous les cas, au conseiller de la DGCIP, qui est une gouvernance forte. Le terme, il n'est pas de moi. Il est dans les statuts, une gouvernance forte. Ça, c'est la première illusion. La deuxième illusion, beaucoup de collègues l'ont repris, c'est, de toute façon, on a créé des monstres qui ne marchent pas. Et en gros, on s'en réjouit, ça ne marche pas. C'est pas vrai. C'est le même combat que mènent aujourd'hui quelques députés qui ne sont pas godillots sur la répartition des 50 milliards. C'est-à-dire que quand vous êtes un IHU à Bichat et que vous obtenez 3 ou 4 millions de l'IDEX, le système, il marche. Mon labo est une UMR qui n'est pas l'ENS, etc., qui marche, qui avait 3200 euros avant l'IDEX, qui aujourd'hui a 100 000 euros d'équipex et 60 000 euros de budget. Un truc de lettres d'archéologie, de merde. Hein, on avait 3200 euros, on en a aujourd'hui 200 000. Donc ça marche, c'est-à-dire que pour un petit nombre, on avait 4 bourses, on en a 20 bourses doctorales. Donc je pense que si vous voulez, il y a une redistribution. Regardez nos UFR, par exemple, aujourd'hui, vous avez une responsable administrative qui s'occupe de 3 UFR à Paris Diderot. On a regroupé, on leur donne plus, soi-disant, de responsabilités, un peu plus de primes, mais on a supprimé 70 emplois en 2 ans. 70 emplois. Donc, si vous voulez, moi, je pense que le système, vu du ministère et vu de nos chers présidents de l'université, il marche. Et il fonctionne. Et quand vous parlez des doublons, actuellement, l'INALCO et LCAO, c'est-à-dire qu'on a en gros un master de vietnamien d'un côté et un autre de l'autre, ben, il faut les fusionner parce qu'on ne peut pas avoir pour le contribuable. Le discours que j'entends, que j'ai entendu d'Isabelle Tissaint-Jean, de Jean-Louis Messica, etc., c'est nous sommes redevables devant le contribuable, vous êtes en train de gaspiller le fric public parce que vous avez 2 étudiants d'un côté et 4 de l'autre. Donc pour eux, le système, il marche. Oui, Christophe. Pour prolonger, donc Christophe Ebert, Bordeaux-Montagne, pour prolonger ce que vient de dire mon collègue, moi je crois qu'effectivement, tout le débat est de savoir ce que c'est qu'une université. Car pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, il faut vérifier si on est bien d'accord sur la définition qu'on donne à l'université. Or, je crois que c'est le fond du problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de raisonner dans les termes de nos réformateurs, nous finissons par, sans nous en rendre compte, adopter les finalités qu'ils donnent, eux, à l'université. Et je crois que ça n'empêche pas les combats techniques qui ont été évoqués, mais je crois qu'au bout d'un moment, nous devons nous réapproprier la définition de la finalité du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Or, ce combat, certes, ce n'est pas forcément le plus glorieux ou celui qui apparaît comme le plus décisif dans les combats d'aujourd'hui, mais finalement, si on ne s'attaque pas aux représentations collectives des députés qui sont les législateurs, in fine, des conseillers, etc., de la population, tout simplement, qu'on présente toujours comme des contribuables mécontents, finalement, le combat, il est toujours perdu d'avance, puisqu'à chaque fois qu'on avance, c'est très facile de nous présenter comme des privilégiés, des gens qui en demandent toujours plus, etc. Et je crois que là, on a un véritable combat. Et je crois que tout ce que nous disons aujourd'hui, il se rattache aussi à cette transformation brutale et pour l'instant réussie des missions de l'université. Nous travaillons bien souvent trop à la professionnalisation de nos formations, à, attention, pas de master inutile. Nous sommes en permanence contaminés par ce vocabulaire et ensuite on s'étonne que ce vocabulaire se retourne contre nous. Alors moi je crois que nous devons profiter du débat actuel pour se réapproprier les définitions de l'université. Nous n'avons pas à débattre dans les termes de ceux qui veulent détruire l'université d'aujourd'hui. Et je crois que ce qui a été le combat de 2007 en partie, nous ne devons pas, parce qu'il a été en partie perdu, nous ne devons pas considérer qu'il est perdu définitivement. Tant que nous luttons à ce niveau-là, nous avons une chance d'arrêter la machine. Mais si nous raisonnons dans les termes de nos réformateurs, le combat, il est perdu d'avance, car de toute façon, à chaque fois, ça retombera toujours du même côté. Donc je crois que c'est aussi ça, et ces combats sur l'association, les statuts d'association, ils doivent permettre d'exprimer ce que nous voulons en termes d'université. Qu'est-ce que c'est qu'une université? Qu'est-ce que c'est qu'une formation en licence? Ces questions, nous les avons déléguées, on considère qu'on n'a pas le temps et qu'on fera plus tard. Or, je crois que c'est urgent. Si nous ne sommes plus capables de défendre la présence de la recherche dès l'année de L1, de ce point de vue, j'ai un petit désaccord avec mon collègue qui disait peut-être que parfois, à l'université, le niveau, etc. Non, moi, je ne reçois de leçons de personne en termes de niveau en L1, en L2, en L3, en M1, en M2. Je crois que nous faisons le maximum, et bien souvent, nous sommes aussi excellents les uns que les autres. Et je crois que nous devons le rappeler et ne pas toujours baisser la tête, introduire des structures de type classe préparatoire dans les universités, comme si la sélection, finalement, c'était meilleur que le système actuel. Voilà, je crois que là aussi, nous devons lutter, et que des statuts d'association, ils doivent comporter une forme d'exposé des motifs pour dire pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas uniquement un problème de loi, c'est un problème de définition des services publics. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou alors mon voisin? Oui, alors. Non, je suis tout à fait d'accord avec Christophe. Maintenant, sur les modalités du combat, je ne peux que constater le silence parfois assourdissant de certaines structures syndicales. Je vais donner un exemple extrêmement proche et clair, celui de Nanterre et de Paris 8. Nous, à Nanterre, la section SNESUP, c'est très, très, très clairement... a très clairement rejeté le projet de commune. Et c'est le SNESUP à Paris 8 qui défend la commune et qui... alors le SNESUP canal historique qui verrouille le débat et qui interdit toute forme de... Donc c'est compliqué, hein, déjà, ce qui fait qu'on a des différends, on a toutes sortes de problèmes. Et donc nous, SNESUP Nanterre, on se retrouve aux côtés des sociotraîtres comme Jean-Louis, avec justement la possibilité de faire exister une opposition contre le SNESUP de Paris 8. C'est compliqué aussi. Juste dire quelque chose qui me semble important techniquement et tactiquement sur la question des statuts. Il est évident que c'est une énorme illusion de croire qu'on va mettre dans les statuts des garde-fous dans une université qui se voulait à la pointe du combat contre la loi LRU comme la nôtre. On a concocté des statuts anti-LRU, entre guillemets, au moment du passage aux compétences élargies, qui n'ont absolument pas interdit les mêmes dérives dans les formes de gouvernement de notre université que partout ailleurs. Simplement, l'enrobage est un peu différent. Les habits qu'on fait porter aux pratiques sont parfois différents, pas toujours, même. Mais en revanche, il faut distinguer deux choses. Un, cette illusion statutaire est le fait de proposer à nos collègues des modèles de conventions d'association qui peuvent être une alternative à mettre en face des V1, V2, V3, V4 ou V12 statuts qui ont été concoctés en accord avec le ministère. Ces conventions d'association ne seront pas concoctées en accord avec le ministère, elles seront concoctées de façon ouverte, avec la possibilité d'intervenir sur les textes, et donc elles auront une autre légitimité qui peut y compris contribuer, dans le cadre des institutions actuelles, à modifier éventuellement les équilibres au sein du CA de gens qui ne sont pas nécessairement pour la commune ni contre la commune, mais qui peuvent bouger à partir d'une proposition politique claire comme celle-ci. Voilà. Je crois qu'il faut faire cette distinction. Pas d'illusion sur les statuts de la commune, mais proposition d'une alternative juridique à partir d'une convention d'association faite correctement, comme ça a été fait d'ailleurs dans deux ou trois cas. Voilà, c'est tout. Donc Pascal, David, pour répondre à cela, il y a une proposition de statut d'association à Paris 7, enfin pour SPC, et donc qui est accessible sur le site, on peut y avoir. Mais j'aimerais commenter ce qu'a dit Jean-Pierre, parce que ça me semble important. Évidemment, pour qu'un système marche, il faut obligatoirement des complices et des bénéficiaires, hein, quel que soit le système. Donc, vous avez été bénéficiaire, en l'occurrence. Mais il ne faut pas, là non plus, avoir trop d'illusions. Alors, je vais citer quelques chiffres qui m'ont été donnés par Mérindol lui-même. Donc, c'est une source. Donc, le budget de Paris 7, et je ne prends que Paris 7, c'est 320 millions. Donc, je vous ai dit, le budget de SPC, c'est 1,3 milliard, 1,4 milliard. On ne sait pas trop encore. L'IDEX rapporte à SPC 30 millions, c'est-à-dire totalement négligeable par rapport à 1,3 milliard. Il faut bien voir les choses. Les frais de fonctionnement de l'IDEX, ce que coûte l'IDEX pour que ça existe, le bureau, les locaux, payer Mérindol, etc., sont évalués en 2014, c'est une évaluation par Mérindol lui-même, à 4 millions. C'est-à-dire, bon, l'ordre de grandeur, disons 10% de ce que rapporte l'IDEX. Et là, on est juste, on n'est pas en vitesse de croisière. On peut penser qu'à terme, en fait, l'IDEX coûtera pour sa gestion certainement 20, 25%, 30%, ou bien plus même. Autrement dit, on est dans des sommes qui sont microscopiques par rapport aux besoins des universités. Alors certes, certes, pour certaines UFR, pour certains départements, ça peut être un apport énorme d'argent. Mais d'un autre côté, ça veut dire que tout dégringole ailleurs. Et les budgets ont dégringolé de 10%. Un autre chiffre qui est très important, c'est la fameuse fongibilité asymétrique, dont tout le monde a entendu parler, et dont on connaît les dégâts. Par exemple, je prends Paris 7, encore une fois. Paris 7, donc le ministère a créé, comme tout le monde le sait, 1000 postes d'enseignants-chercheurs, mais qui ont été, je pense, dans de nombreuses universités, convertis en peinture, puisque les plafonds d'emploi sont négatifs dans toutes les universités. À Paris 7, le plafond d'emploi est négatif de 25 postes. Donc, c'est. Alors, je parle peinture, mais à mon avis, ce n'est pas la peinture, c'est pour créer toutes ces structures intermédiaires, etc. Donc, tous ces problèmes d'argent, en fait, ces problèmes d'IDEX, sont vraiment de l'illusion. Les IDEX ne rapportent pas grand-chose par rapport aux besoins. C'est vraiment trois fois rien. Donc, c'est des chiffres qu'il faut avoir en tête. Parce que souvent, on nous oppose quelque chose qui est « si vous ne rentrez pas dans une commune, vous perdez l'IDEX ». Non seulement c'est faux, on peut être associé et avoir l'IDEX, mais perdrait-on l'IDEX, que ça ne changerait pas grand-chose. Ce n'est pas... Alors, je vais jouer les riches, là, mais ce n'est pas 30 millions qui changent beaucoup de choses à 1,3 milliard. C'est négligeable. Surtout quand c'est 30 millions, il y a déjà 10% qui partent pour faire vivre le bazar. Alors, Marielle, non. Oui, sur cette question du chantage au financement et au budget, bon, il est clair qu'il y a des pressions très très fortes qui sont certainement exercées par le ministère sur nos présidents et qui ont des soucis financiers, bien évidemment. Mais en même temps, cette pression et ce chantage, il peut aussi, dans une certaine mesure, être retourné. C'est-à-dire que, évidemment, la justification d'une fusion, d'une entrée dans la commu Paris-Est, c'est « oui, mais si on ne le fait pas, nous, on n'a pas eu d'IDEX, peut-être qu'on aura quelque chose à la deuxième vague des initiatives d'excellence. Et puis, si on ne l'a pas, peut-être qu'on aura un coup de pouce financier pour nous aider à cette fusion. » Alors, on dit « mais combien? Quel est le coût de la fusion ?» Ah ben, on ne sait pas. Donc, même s'il y a un petit cadeau, ce ne sera pas grand-chose. Hein, donc, c'est vraiment pour aller dans le sens de ce que tu dis. Il n'y aura pas grand-chose et ça ne suffira pas structurellement. Donc, ce sera une petite amuserie. Ensuite de ça, on peut renverser aussi un peu le chantage en disant quoi, est-ce que vous envisagez de ne pas financer suffisamment les universités de banlieue? Vous imaginez faire ça dans l'académie de Créteil? Les universités sont quand même pas complètement dépouillées, sans moyens face au ministère. Elles ont des étudiants, elles ont un rôle social à jouer. On n'arrête pas de parler du rôle non pas social mais sociétal des universités. Assumons-le alors effectivement et demandons des moyens à la hauteur, quel que soit le mode de regroupement. On peut aussi faire le pari que le ministère n'est pas idiot et que si on monte un regroupement qui fonctionne bien, restons optimistes et donc on peut aussi faire pression pour avoir ces financements. Bon, Oscar, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Hélène? Oui, bonjour, Anne Jollet. Moi, j'enseigne à l'université à Poitiers, donc je suis dans un horizon un petit peu différent de celui qui a été exposé ici. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que dit Marie-Alban sur les universités à deux vitesses. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette idée, parce qu'en gros, ce qui est voulu, c'est quand même une mise en concurrence généralisée dans laquelle on va faire miroiter justement aux uns et aux autres que des pôles plus forts vont se créer du fait même de la mise en concurrence. Donc, ce n'est pas statutairement que... Enfin, c'est au moins comme ça que c'est présenté dans le cadre libéral, que l'on va créer de la différence, mais c'est justement les acteurs autonomes qui eux-mêmes vont créer de la différence. Et je crois que c'est là-dessus qu'effectivement, enfin, comme disait Christophe Pébart, la réponse, c'est vraiment sur une question qui est éludée, qui est celle du service public, et quand je parle de province, justement de la question des territoires et la question du service dans des espaces territoriaux qui sont d'aptitudes diverses et en richesse et en densité d'habitants, etc. Et là, on est dans quelque chose qui est quand même extrêmement difficile, parce qu'on voit bien que c'est cet horizon-là de référence qui est gommé. Or, c'est le seul qui justifie une demande d'égalité en termes de dotation et qui justifie le fait de sortir de tous ces critères de dotation par excellence ou autre dossier qui ne fait que donner des possibilités, effectivement en partie fictives d'ailleurs, d'écart entre les établissements. Mais je crois que ce qui est vraiment fondamental, ce n'est pas deux vitesses, c'est l'idée que des structures autonomes vont elles-mêmes être sur des vitesses différentes. Qu'après tout, une petite université comme celle de Poitiers, si elle sait bien tirer son épingle du jeu et vendre, je ne sais pas, le fait qu'elle est dans un hôtel Renaissance, pourrait après tout devenir aussi un espace d'excellence à condition d'aimer la campagne, etc. Donc je crois que c'est vraiment le problème de la mise en concurrence qui est, et à travers ça, bon, la privatisation possible de ces établissements, qui est dans le viseur et qui du coup nous met face à quelque chose qui est énorme et qui du coup rend aussi, je trouve, les mobilisations très très difficiles, parce qu'on sait que c'est quand même un horizon global politique, je dirais de type de société qui est en cause, face auquel on a déjà quand même beaucoup perdu et du coup, bon, face auquel il est difficile de proposer une réponse constructive. Mais c'était sur cette idée de deux vitesses. Je crois qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans, parce que là, on nous répondra qu'effectivement, chacun aura ses chances, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mon propos était lié au contexte de l'Île-de-France. Voilà. C'est vrai qu'en province, il y a aussi ces logiques très fortes de territorialisation, de professionnalisation, qui sont les mêmes que dans plein d'endroits. Alors, peut-être pas à Paris Centre et à l'excellence, mais ailleurs, c'est un peu les mêmes problématiques. Moi, je voulais revenir sur ce qui était dit tout à l'heure sur la question de la conception de l'enseignement. C'est vrai qu'on est en train de parler des réformes, parce que nous, on est dans un moment clé. On peut encore essayer de pousser l'association, parce qu'une fois qu'on sera dans la commune, il y aura la question des maquettes et on aura très peu de marge de manœuvre pour dire ce qu'on veut faire dans nos enseignements. Donc c'est pour ça qu'on se bat encore tant qu'il est possible dans le cadre de Paris Lumière. C'est très intéressant l'intervention qui vient d'être faite, parce que moi, je trouve qu'il y a, et c'est pas pour rien que le groupe Marc Bloch est à la manœuvre, il y a beaucoup de ressemblances avec la situation actuelle de l'université et la réforme qui a été faite dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on a désossé une grande partie de l'hôpital public avec des secteurs qui sont complètement privatisés, c'est-à-dire très performants, avec un accès à des soins privatisés, c'est-à-dire où on accède sur des consultations privées avec de très bonnes machines. Si on a de l'argent, on a un accès tout de suite à une consultation privée. Et la plupart du temps, si on va dans le secteur public, il faut plusieurs mois. Voilà. Et je pense qu'il y aurait intérêt à faire, je pense, à nos rôles ici peut-être aussi en tant qu'universitaire, c'est de faire une comparaison de l'imagination qu'ont eu ces réformateurs. Et sans doute, il y a eu un mode d'importation de ces schémas de transformation. Parce que je pense que c'est ça, on est en train de désosser le secteur public, l'enseignement supérieur, parce qu'à terme, ça va être une privatisation par les communes, parce que sans doute, il y aura des formations de pointe sur lesquelles on pourra payer des droits d'inscription pour peu que ça soit internationalisé sur des campus avec des grandes écoles, effectivement, comme sur les campus là, dans le Grand Est, je vois assez bien le truc, hein, comme dans certains secteurs de soins qui ne sont ouverts qu'à des avec des populations très riches qui viennent de l'étranger pour se faire soigner pour des soins auxquels on n'a même pas accès, donc on ne connaît même pas l'existence. Hein. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que je pense qu'il y aura des comparaisons à faire sur ces réformes, et je pense que c'est ça qui est en train d'arriver, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pour ça qu'en plus, on peut très bien dire que les droits d'inscription ne vont pas augmenter, parce que ceux qui s'engagent là-dessus ne sont pas ceux qui vont les faire payer demain. Il n'y a pas de problème, puisque ceux qui vont décider ça seront d'autres personnes. Une dernière question. Donc, je vais ajouter deux petits points d'information extrêmement rapides. L'un... qui est le grand absent de la table, qui est Paris 2 Assas, qui joue un rôle très important dans le jeu, puisque c'est une épine dans le pied majeure du ministère. Ils sont sortis de leur regroupement. Ils ont des injonctions de la DGZIP extrêmement violentes et menaçantes. Il y a deux raisons, à ma connaissance, pour leur sortie. D'une part, le fait que ça menaçait leurs ressources propres par un mécanisme technique que je n'ai pas compris, mais l'existence de la commu les privait de ressources très importantes et ils préfèrent vivre sans les subsides de l'État en allant au bout des choses que se plier à rentrer dans l'ordre. Et d'autre part, c'est très important, ils sont massivement favorables à l'association, de sorte qu'il y a un pool technique juridique on ne peut plus compétent, qui est là et qui atteste une partie des descriptions techniques données précédemment. Le deuxième petit point, donc à ma connaissance, ils ne rentreront pas dans les injonctions. Ils résisteront à la demande de rentrer dans une commune. Tout ça avec Assas. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître... oui. Pour des raisons évidentes, malgré tout, il ne se plie pas à venir dans un séminaire comme celui-ci. Le deuxième point d'information, c'est un ballon d'essai de la DGZIP qui est passé légèrement inaperçu, mais qui a une importance majeure. Ce ballon d'essai porte sur le fait de sortir du modèle sympa, c'est-à-dire de la détermination automatique des ressources données aux universités par un modèle caché que chaque exécutif recalcule année après année en mettant plus un dans les postes, plus un ici, plus un là, pour faire le reverse engineering et trouver par quel protocole l'État donne des dotations. Donc tout le monde le sait, mais ce n'est pas officiel. Eh bien, donc la DGZIP a lancé un ballon d'essai pour enlever ça et que les ressources soient données par la négociation avec elle. Ce qui serait quand même un changement dans le jeu absolument majeur, même par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc il y a encore des réserves derrière d'évolution, même si on va au pire. Bon, allez, une dernière question. C'est pas vraiment une question. Je voudrais simplement revenir un petit peu sur ce qu'on a dit et qui ne me paraît pas en fait contradictoire, même si ça pouvait le sembler. Il me semble qu'on peut très bien articuler pour lancer ou soutenir en tous les cas un combat qui a déjà commencé dans certains endroits et qui paraît tout à fait important. D'une part, une analyse technique et juridique, très bien, montrer qu'on est au fait des choses, etc. D'autre part, des exemples de résistance qui ont été menés. On peut penser à Montpellier 3, on peut penser à Assas, etc., avec des conséquences, sans aucun doute. Mais enfin, il y a quand même des gens qui ont du courage et qui ne sont pas forcément de dangereux gauchistes. Bon. Ça peut quand même être mis en avant. En tout cas, il faut faire feu de tout bois. Et enfin, me semble-t-il, et c'est quand même important, mettre en avant, et je réinsiste là-dessus, parce que je pense que ça peut convaincre des collègues qui ne sont pas forcément sensibles aux arguments, disons, technico-juridiques, ou en tout cas qui n'ont pas envie de rentrer là-dedans, mettre en avant quand même un argumentaire politique, un exposé des motifs qui soit clair, et qui, à mon avis, peut aussi entraîner l'adhésion. Et il me semble que c'est en tenant ces trois bouts qu'on pourra aller de l'avant. Et surtout, en insistant sur le fait que, évidemment, si je puis dire, ce n'est que dans la solidarité et dans le fait de lutter tous ensemble contre ce mouvement que nous nous en sortirons. On a bien vu ce que donnait, je ne reviens pas sur l'exemple de l'IDEX. Moi, je me rappelle très bien que quand j'étais à Paris 4, je suis aujourd'hui à Paris 1, j'ai oublié de me présenter, donc à Nice 9. Quand j'étais à Paris 4, on avait quand même dénoncé assez vivement le fait de vendre la démocratie universitaire pour un plat de lentilles. Il se trouve qu'on avait raison. On avait raison parce que ce fric, en fait, il n'arrive pas à le dépenser. Moi, je ne citerai pas de nom, mais je vois dans des LABEX ou dans des IDEX, on n'arrête pas de nous dire « Donnez-nous des idées, comment est-ce qu'on pourrait dépenser cet argent, etc. Hein ?» Alors qu'il manque ailleurs. Alors qu'il manque ailleurs, que pour des formations, on ne les a pas et qu'on aurait des idées et qu'on est obligé d'inventer des espèces de projets à la con à laquelle personne ne croit. Si on regarde aujourd'hui les trajectoires scientifiques qui sont proposées, par exemple, pour les AM, on voit des choses qui se reproposent exactement comme pour les LABEX et pour les IDEX, c'est-à-dire l'externalisation auprès de cabinets de consultants de tout ce qui est détermination des objectifs et des benchmarking, etc. On repart dans la même chose. Il faut quand même le dire. Bon, on va laisser la table maintenant, le bureau, à Isabelle Bacouche qui va assurer la troisième partie. Et Anne-Lise, oui, pardon.